Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 15 courant aux questions d'un correspondant de l'agence Tel Aviv centrale de Corée à propos des informations étrangères qui rapportent qu'on discute le problème des Américains détenus entre la Corée et les États-Unis à travers le contact coréen-américain à New York. Il a dit que le problème des Américains détenus n'est pas le sujet de la discussion dans l'actuelle situation des relations coréen-américaines.